se sortir individuellement de l'hypnose collective. Donc, j'ai choisi le thème de l'enregistrement parce que j'ai vu que maintenant, depuis plusieurs mois, il y a une bonne partie de l'humanité qui est sous hypnose en lien avec la crise sanitaire du coronavirus COVID-19. Et l'hypnose collective, c'est quoi? C'est que la société, par les médias de masse, par les politiciens, par la famille, par les collègues de travail, eh bien, peut chercher à influencer l'individu, lui faire des suggestions. Donc, dans une session d'hypnose, dans une session où l'individu va vivre une expérience hypnotique, eh bien, il y a au moins une autre personne qui va lui dire quoi ressentir. Puis, l'individu qui se prête à une situation, une session d'hypnose thérapeutique, bien, il est consentant à aller dans le sens des suggestions du praticien qui va le faire. Mais si l'individu n'est pas conscient qu'on cherche à le conditionner d'une manière hypnotique, ben à ce moment-là, il ne peut pas donner un consentement libre et éclairé à une, comme quelqu'un peut le faire à une consultation. Si la personne, c'est clair, elle paye un montant d'argent pour une consultation qui dure une heure de temps d'hypnose, ben la personne est partie prenante, tandis que si on impose un conditionnement hypnotique avec des suggestions, puis ça s'appuie sur des croyances, alors que l'individu n'est pas consentant par rapport à ça, ben, c'est une façon de le manipuler puis de le soumettre à un agenda qui ne va pas nécessairement dans le sens de ses intérêts fondamentaux. Et l'hypnose collective que les gens vivent présentement est en relation avec les médias de masse, les gens au pouvoir aussi en matière de politique qui disent aux gens quoi faire, quoi penser, et implicitement ils disent quoi vibrer. Donc si on cherche à faire peur massivement à des gens avec la menace du virus, puis on répète ça, bien à force de répéter quelque chose, ça peut devenir une vérité pour beaucoup de personnes, puis ça se rigidifie au fil des semaines, au fil des mois, un peu comme une religion, auquel la personne adhère sans faire preuve d'esprit critique, avec naïveté. Donc, c'est sûr que si la personne est radicalisée dans des croyances qui sont intégristes pendant plusieurs années, eh bien, la personne de sortir de ça, ça ne sera pas nécessairement de tout repos. Elle va être obligée de vivre des chocs de réalité. Et c'est la même chose si la personne est radicalisée à la religion sanitaire, c'est-à-dire d'adhérer à des croyances aveugles, des pensées qui ne reposent pas sur une science de l'esprit, ça ne repose pas sur une compréhension vibratoire intégrale de l'univers, mais ça ne repose pas non plus sur des éléments factuels au niveau rationnel, intellectuel. Donc, lorsque des politiciens qui, par décret, dictent la conduite des citoyens sans s'appuyer sur une logique au niveau de base, là, à partir d'études scientifiques, au niveau purement intellectuel, c'est strictement en fonction d'une volonté. Donc, autrement dit, si, par exemple, des politiciens, comme c'est le cas au Québec, déclarent que les salles d'entraînement sont fermées, là, les propriétaires des salles peuvent poser la question, ben oui, mais c'est quoi la logique derrière ça? Est-ce que il y a eu des cas d'éclosion qui justifient ça? Est-ce que vous avez des études scientifiques auprès d'échantillons de la population qui vont démontrer que le fait de fréquenter une salle d'entraînement peut favoriser la contamination de virus? Si le gouvernement dit non, on ferme les salles d'entraînement parce qu'on les ferme, puis il n'y a aucun dialogue, ben on est dans une situation où ce qu'on cherche à hypnotiser les gens avec force en disant « tu penses comme nous autres » et c'est une imposition donc qui est faite. Et c'est sûr que par rapport à cette hypnose-là, ben moi, j'embarque pas dans le jeu, puis ça fait plusieurs mois que ça dure. Et c'est sûr que présentement, il y a la radicalisation de certaines personnes. Donc, plus que les mois passent, puis plus que les croyances deviennent de plus en plus rigides. Au début, c'est comparable un peu à un fil. Donc, un fil mince comme une toile d'araignée. Puis plus que le temps passe, puis plus qu'on en rajoute, le virus est dangereux, le virus est dangereux, le virus est dangereux. Fait que finalement, le fil qui était facile à couper Il était facile, dans le fond, à déloger. Et il devient un fil d'acier. Le fil d'araignée devient un fil d'acier. Donc, autrement dit, les croyances se tissent, puis se tissent de plus en plus. Puis il y a une forme par rapport à ça de mise en place d'un système de répression sociale. Et c'est sûr que les gens vont intégrer, comme la morale religieuse, la morale sanitaire. Autrement dit, il va venir un point, puis c'est déjà atteint pour beaucoup de personnes, que les gens vont se sentir coupables pour des choses qu'ils ne se sentaient pas avant. En fonction d'une intériorisation, le beau terme technique que peuvent utiliser les psychologues, c'est une introjection, c'est-à-dire faire sienne une croyance qui vient de l'environnement, puis l'avoir intériorisé à un point tel que la personne qui a mis en place la croyance n'est plus dans notre environnement immédiat, mais les gens la reproduisent par mécanicité psychologique sans se poser de questions. Autrement dit, si, par exemple, un enfant est exposé à des parents qui lui répètent constamment qu'il est stupide, à un moment donné, l'enfant rendu à l'âge adulte va peut-être quitter les parents, et va, par exemple, aller vivre en appartement, va travailler, mais il va tout le temps avoir une petite voix à l'intérieur de lui qui va lui répéter « t'es stupide », et l'idée de la croyance va revenir par la suite le hanter, ce qui fait que, par exemple, la personne au travail va tout le temps avoir peur de faire des erreurs parce que quand elle était jeune, elle s'est fait conditionner à croire qu'elle était stupide ou implicitement ses parents lui faisaient à croire qu'elle n'en faisait jamais assez, qu'elle faisait souvent des erreurs. Fait que la personne peut vivre un problème d'anxiété généralisée en relation avec ça. Et l'astral, à travers le mémorial, peut réactiver la croyance. Puis à un moment donné, l'individu, il faut qu'il soit capable de mettre son poing sur la table et dire « ça suffit, j'adhère plus à ça » et se sortir de ça. Donc, la mécanicité. Mais c'est pas évident. Donc, si on prend un individu rendu à l'âge adulte, la personne a 30 ou 40 ans, puis depuis l'âge de 2 ans, elle se fait répéter pendant qu'elle a vécu chez ses parents jusqu'à 18 ans qu'elle était stupide ou ce qu'elle faisait, c'était jamais correct. Bien, c'est plus difficile à défaire comme conditionnement que si elle s'est fait dire ça une fois. Puis la personne utilise son esprit critique, puis elle va voir par en dedans, puis elle dit « est-ce que c'est intelligent de croire que je suis stupide? » Puis ça, il répond « non ». Bon, ben, ça veut dire que c'est pas intelligent, puis elle arrête ça. Mais plus qu'elle est conditionnée longtemps, plus que de se défaire du conditionnement, c'est pas évident. Et là, ce qui arrive, si on fait le parallèle par rapport à la population terrestre, ben là, ça fait plusieurs mois que la crise dure, et ça fait plusieurs mois que les gens sont conditionnés. Donc, se faire conditionner la menace d'un virus, si ça dure 2 semaines, après ça, de se déprogrammer de ça, c'est plus facile. Mais là, quand on parle que ça fait un peu plus... on est rendu quasiment au moment où je fais l'enregistrement, quasiment au mois de décembre. Ça fait plusieurs mois, mais là, ça devient de plus en plus difficile de sortir d'un conditionnement qui est amené. Puis l'intériorisation de la programmation associée à ça, c'est que des gestes qu'on faisait, qu'on était bien à l'aise, avant la crise, par exemple, quelqu'un de rentrer dans un magasin sans se laver les mains, la personne pouvait se sentir à l'aise. Puis là, on lui dit, il faut que tu te laves les mains, là, parce que sans ça, il y a un méchant virus. Tout le monde peut mourir si tu te laves pas les mains. Tu peux contaminer plein de personnes, puis on cherche à le culpabiliser comme s'il participerait à un crime potentiel. Là, à ce moment-là, s'il rentre dans un magasin, puis il se lave pas les mains, ça peut lui dire intérieurement, il faut que tu te laves les mains, parce que sans ça, tu es un grave criminel. Donc, la personne intériorise et fait sienne des croyances qui sont là. Et puis si ça s'incruste pendant plusieurs mois, de sortir de ça va prendre une quantité inversement proportionnelle de temps ou de puissance de volonté pour mettre fin à ça. Donc, il y a une incrustation sociale qui se fait. C'est sûr que moi, quand que je vais dans un commerce me laver les mains, moi, cette histoire-là, que si je me lave pas les mains à cause de moi, des millions de personnes peuvent mourir d'un virus, je n'y crois pas. Pour moi, la vie est en relation avec des destinées. Et que la personne se lave les mains 40 ou 50 fois par jour, qu'elle ne se les lave pas, c'est son destin de mourir, elle va mourir pareil. Et le virus n'est juste une occasion, un événement occasionnel pour que s'exerce une programmation qui est prédéterminée en fonction du destin, en fait, de l'être concerné tout simplement. Donc, c'est sûr que des fois, même après plusieurs mois de crise de coronavirus, même si ça fait... Là, on est au 11e mois, c'est le 3e mois. Donc, ça fait peut-être environ, je sais pas si ça fait 7 mois, je suis pas bon en mathématiques, là, mais même si ça fait plusieurs mois, moi, quand j'arrive dans un commerce présentement, si on me dit que je dois me laver les mains pour, dans le fond, la paix sociale, pour pas m'opposer à la personne ou à l'astralité qui s'y rapporte, je peux me laver les mains pour apparence de conformiste. Mais si on me demande pas de me laver les mains en entrant dans un commerce, je me les lave pas. Là, moi, je trouve que c'est absurde de me dire que si tu entres dans un centre d'achat, faut que tu te laves les mains. Puis à l'intérieur du centre d'achat, si tu vas dans un commerce, tu te laves deux fois les mains. Pour moi, là, à part de m'amener une irritation importante de la peau, pour moi, c'est un manque d'intelligence. Et c'est sûr que, dans le fond, moi, pour rassurer les gens qui m'écoutent, je suis quand même quelqu'un de propre, là, dans le sens que si je vais aux toilettes déféquer, je vais aller me laver les mains par la suite. Mais ça, je m'agissais comme ça avant la crise. Et là, on veut me faire croire qu'il faut que je me lave les mains à tout bout de champ à cause d'une menace de virus. Non. Et c'est sûr qu'il y a des gens que, à cette étape-ci, de leur dire « Tu vas aller dans un commerce, puis tu te laves pas les mains. » Peut-être que la personne va vivre une espèce d'état de malaise intérieur profond, de culpabilité virulente, comme si elle commettrait un péché, un peu comme le conditionnement religieux. Et c'est sur le terrain auquel je veux vous amener. C'est-à-dire que pendant un certain temps, eh bien, ici au Québec, on était à la proie d'un conditionnement religieux extrêmement fort, extrêmement strict, extrêmement virulent. Et par rapport à ce conditionnement religieux, eh bien, les gens adhéraient à ça. Puis on disait aux gens, ben là, si vous n'avez pas des enfants à chaque année, vous n'êtes pas correct. On culpabilisait les gens. Si vous n'allez pas à la messe tous les dimanches, vous n'êtes pas correct. Si par la suite, vous ne faites pas baptiser vos enfants, vous n'êtes pas correct. Si vous avez des relations sexuelles avant d'être marié, vous n'êtes pas correct. Si vous pratiquez l'homosexualité, vous n'êtes pas correct. Il y a toutes sortes de choses comme ça qui ont été dites pour culpabiliser les gens, puis les contrôler, puis les dominer. Puis à un moment donné, lors de la période de la Révolution tranquille, dans les années 60, une saturation sociale du conditionnement, de l'hypnose de masse auquel on était conditionné ici au Québec, où les gens, dès la tendre enfance, avec le cachettisme, ils se faisaient remplir, ils se faisaient conditionner par des apprentissages via des croyances. Et il y a eu des initiés qui ont été sur la place publique. C'est ceux qui ont été fortement critiqués, contestés par le clergé, parce que le clergé voulait garder son contrôle, naturellement. Et ces personnes-là qui ont initié un mouvement vers la laïcité ont dit « ça suffit, le conditionnement religieux, j'en ai ras-le-bol ». Donc, autrement dit, il y a une saturation, puis il y a une autre personne qui a saturé, une autre. Puis finalement, les églises, depuis les années 60, se sont vidées au Québec. Et les gens ont déserté la religion. Pourquoi? Ben parce qu'il y a eu une saturation du conditionnement. Ce qui veut dire que les gens ont atteint un point où ils ne sont plus manipulables par ça. Il y a comme une immunisation psychique qui s'est faite par rapport au virus du conditionnement religieux au sein d'une partie de la population du Québec. Donc, à force d'être exposé à quelque chose comme un virus, dans certains cas, il y a une immunisation qui se produit, puis c'est la même chose pour un coronavirus. Et éventuellement, les gens, il y aura des personnes qui vont être immunisées par rapport à la croyance aveugle, à la menace du coronavirus et aussi à la croyance aveugle que les gouvernements détiennent la vérité. Et les papes des temps modernes, autrefois, c'était des religieux. Et aujourd'hui, ben, c'est des gens du complexe pharmaceutique, du complexe médical. Donc, pour moi, le directeur de la santé publique du Québec, Horacio Arruda, c'est un être humain. C'est pas un dieu. C'est pas un pape, c'est pas un saint. Puis même par rapport au pape et au saint dans la religion, je leur donne pas une crédibilité au-dessus de ma personne. Et je recommande aux gens, là, dans votre vie, là, donnez-vous la première place. Parce que si vous ne faites pas ça, vous vous laissez relativiser puis vous êtes sujet à l'hypnose de masse. Donc, l'hypnose de masse, ça a fonctionné pendant plusieurs périodes de l'humanité sur différents thèmes. Bon, il y a eu la religion catholique au Québec. du développement là, de la période de la Nouvelle-France jusqu'à 1960, ça marchait. Puis à un moment donné, les gens ont saturé. Fait que ça marchait moins. Mais là, l'élite, pour contrôler les gens, puis le plan astral aussi qui est derrière, ont trouvé d'autres façons de manipuler les gens. Récemment, il y avait la religion verte, l'écologie, auquel il y a des gens qui adhéraient ça comme des croyances, comme un peu la religion. C'est de faire croire aux gens qu'il est un méchant pollueur, puis que, à quelque part, s'il y a des problèmes de pollution, tout ça repose sur ses épaules. Ben, il faut pas adhérer à ça d'une manière aveugle, parce que par rapport au problème de pollution, l'individu peut avoir une part de responsabilité, mais il y a d'autres acteurs impliqués. Il y a des industriels. Donc, il y a des entreprises de production industrielle, d'autres êtres humains, puis il y a d'autres facteurs aussi que l'activité humaine qui ont un impact. Si on prend, par exemple, la question des changements climatiques, avant qu'il y ait des êtres humains là, qui connaissent la période de la révolution industrielle, il y avait déjà eu des changements climatiques. On parle dans le passé qu'il y a eu des fluctuations, il y a eu des aires glaciaires. Pourtant, il n'y avait pas une activité industrialisée aussi intense que lors des 150 dernières années à la surface de la planète. Donc, autrement dit, il faut arrêter de faire croire que l'être humain il est responsable de tous les maux. Donc, puis même s'il y a une part de responsabilité, ça ne sert à rien de lui dire que tu es mauvais par rapport à ça. Tu peux inviter quelqu'un à changer, l'amener à changer, mais si tu cherches à faire vibrer quelqu'un émotivement, par exemple, à de la peur, à de la culpabilité, qu'il y a une dégradation vibratoire, à chaque fois que je vois une manipulation qu'on cherche à nous amener dans ces zones-là, je vois tout le temps le plan astral qui peut chercher à vampiriser nos énergies, s'infiltrer à travers ça. Parce que si tu respectes quelqu'un et tu veux l'amener à s'ajuster, tu vas y parler poliment, tu vas y expliquer la logique derrière ça. Donc, il va y avoir un travail qui va se faire sans nécessairement chercher à les motiver ou à l'astraliser. Donc, autrement dit, le fait de chercher à amener la personne à une culpabilisation outrancière par rapport à quelque chose de manière démesurée, c'est une forme... À chaque fois que je vois ça, là, pour moi, c'est un indicateur énergétique qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc, par rapport au respect de l'environnement en passant, je suis pour ça. Ben oui, qu'il y ait moins de pollution. Par contre, je suis pour qu'on me traite intelligemment par rapport à ça. Et c'est sûr que, même chose par rapport à différentes choses. Fait que, ce que je voulais dire, c'est que l'hypnose de masse, c'est pas nouveau. Il y en a eu plusieurs campagnes d'hypnose de masse. On cherche à hypnotiser, par exemple, un peuple pour qu'il vote pour un politicien aux élections, quitte à discréditer tous les dires d'un politicien adverse que celui qui a été, par exemple, déterminé par l'élite médiatique. Donc, l'hypnose de masse, on a pu le voir pendant les élections américaines. Donc, il y a une partie de l'élite intellectuelle des grands médias ont dit « Donald Trump, là, il n'y a pas d'allure, etc. » implicitement, là, en le montrant tout le temps faire des erreurs. On ne le montrait jamais faire des bons coups, que ce soit TVA, Radio-Canada. Pourquoi? Ben, pour orienter l'opinion populaire, pour conditionner les gens, pour les hypnotiser à croire que Donald Trump... c'est quelqu'un de mauvais. Et il y a d'autres médias dans d'autres pays qui ont joué le même rôle. Pourquoi? Ben, parce qu'il ne fait pas nécessairement l'affaire d'une élite mondialiste par rapport à son agenda de nature nationaliste. Donc, c'est sûr que si Donald Trump déclare « America first », les États-Unis avant tout, ça va à l'encontre de l'idée de se subordonner à l'ONU ou à des instances internationales comme, par exemple, l'Organisme mondial de la santé, et de donner du financement à l'Organisme mondial de la santé. Ça va vraiment pas dans ce sens-là. Donc, ça fait pas l'affaire d'une élite, par exemple, mondialiste, qui pourra avoir tout intérêt à ce que toute la population se soumette à l'Organisme mondial de la santé et ses mesures sanitaires, et aussi, par exemple, à d'autres instances internationales, que ce soit le FMI, pour amener, à ce moment-là, une uniformisation de règles sociales à l'avantage, naturellement, de l'élite mondialiste qui, au niveau financier, en termes d'opportunités d'affaires, pourrait tirer profit de ça. Donc, il ne faut pas être naïf par rapport à ce qui se passe. Et l'hypnose de masse, on l'a vu, là, la campagne d'hypnose de masse là, pendant la période de la religion, catholique au Québec, les gens étaient hypnotisés par rapport à ça, puis progressivement se sont sortis individuellement. Récemment, dans les dernières années, c'était l'hypnose par rapport à la foi écologique. Donc, nous amener à croire des choses en relation avec l'écologie. Et présentement, ben, c'est la foi sanitaire. On cherche tout le temps à nous amener dans des zones de croyance pour orienter les actions des individus. C'est capable de pas être dupe par rapport à ça. Et la sortie de l'hypnose collective se fait sur une base individuelle. C'est la même chose que par rapport à la religion. Donc, par rapport à ça, il faut être lucide. Donc, quelqu'un qui est très endoctriné par rapport à la religion, il est radicalisé, c'est un fanatique religieux, d'aller le voir puis lui dire, ben telle chose tient pas la route, puis la personne est très endoctrinée, elle n'écoutera pas l'autre personne, même si ça présente des arguments logiques, rationnels, puis ça va être encore plus difficile à des arguments supramentaux. Mais en fait, au niveau supramental, c'est même plus des arguments, c'est des constats énergétiques, mais pour que la personne soit capable d'intercepter psychiquement les constats, il faut qu'elle ait la sensibilité vibratoire par rapport à ça. Puis si elle l'a pas, elle peut pas le percevoir. Fait que se sortir de ça, c'est pas évident. Fait que c'est souvent le choc expérientiel. Et là, j'écoutais des personnes là, qui parlaient par rapport au fait que Donc, y a des gens, en tout cas, ce que je capte, là, c'est que des gens qui trouvent ça difficile, des lanceurs d'alerte, que la population soit sous hypnose présentement, rien que la crise, puis les gens continuent à en demander. Je discutais récemment avec une personne, puis les sondages de satisfaction de la population par rapport à la gestion du gouvernement, du gouvernement du Québec, là, avec la CAQ, puis toutes les mesures, sont très élevées. Donc, c'est sûr que si quelqu'un a espoir que le collectif se sorte de l'hypnose, c'est déprimant comme situation. Parce que là, les gens, depuis plusieurs mois, on enlève des libertés. Pourtant, l'hécatombe qu'on annonçait avec les pleins de morts de gens atteints du coronavirus... sont pas nécessairement au rendez-vous à l'échelle internationale, en tout cas, de la manière que c'était présenté. Et présentement, par rapport à ça, une hypnose de masse qui se fait, et c'est sans doute des chocs de réalité. Donc, quand les gens en pourront plus d'être limités puis d'être soumis à des consignes puis des consignes, ben, y aura peut-être des gens qui vont se réveiller. C'est tout simplement ça, une saturation expérientielle. Moi, en tant qu'individu, mon travail, c'est de m'organiser pour pas me faire chier, pour pas me faire culpabiliser avec l'hypnose de masse. C'est-à-dire de pas me soumettre à elle dans la vie de tous les jours. Donc, si on essaie de me faire sentir coupable, si je me lave pas les mains à l'entrée d'un commerce, ben, j'ai juste à pas me soumettre par rapport à ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident. C'est un petit peu comme quelqu'un qui sort de la religion. Ou qui va dans un sens différent, il peut se faire regarder de travers pour les autres. Puis quelqu'un qui, par exemple, moi j'ai pas eu à faire du sevrage par rapport à la foi sanitaire, parce que j'y adhérais pas, mais prenons par exemple le cas d'une personne qui allait à la messe tous les dimanches, et que la personne décide d'arrêter de fréquenter l'église, ça se peut que les premiers dimanches, elle se sente coupable. Pourquoi? Ben parce que l'astralité, les liens qu'elle a au niveau mémoriel par rapport à l'égrégore de la religion, fait en sorte que ces liens-là vont chercher de la ramener à l'église. Donc, un dimanche sans aller à la messe, la personne peut se sentir coupable, un deuxième aussi, l'autre peut-être un peu moins, le troisième, quatrième un peu moins, puis il y a une forme qui est en train de se défaire, mais ça peut prendre une certaine période de temps. Donc, c'est sûr que présentement, à travers la crise, il y a des gens qui prennent des plis, des habitudes sous l'influence de l'hypnose de masse. Par contre, ce que je propose aux gens, ben, c'est d'avoir une conscience critique absolue. C'est-à-dire évaluer puis contester au besoin tout ce qui vous est présenté, qui n'est pas en harmonie avec ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. À quelque part, il faut être capable de tenir son bout. Pour ne pas embarquer dans l'hypnose collective, puis je vous le dis, là, le défi... parce qu'il y a eu le défi du gouvernement qui a eu cours 28 jours où les gens devaient suivre les contraintes. Ça me disait intérieurement, ils vont dire ça, puis après ça, ils font à croire que les gens ont un libre-arbitre, puis par la suite, ils vont prolonger 28 jours, puis naturellement, ils l'ont prolongé. Puis là, ça me dit intérieurement, ils vont continuer à le prolonger. Puis en effet, c'est au moment où je vous parle, c'est une troisième prolongation, puis les prolongations sont pas finies de ce que je capte vibratoirement par rapport à la crise puis les mesures. Mais non. Mais on fait à croire que si vous vous lavez les mains 50 fois ou 100 fois par jour, puis c'est votre responsabilité, alors qu'en réalité, le gouvernement a une part de responsabilité. C'est les hôpitaux puis les résidences de personnes âgées, ils présentent toujours des lacunes importantes dans la gestion ou qui manquent du personnel de préposés aux bénéficiaires ici au Québec ou d'infirmières. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes. Mais si on dit « Ah, c'est de la faute des citoyens », bien, ça sert à camoufler le cafouillage gouvernemental puis culpabiliser les gens. Puis le gouvernement peut se laver les mains en disant « Ah, ben moi, je fais une bonne gestion. Si ça va mal au Québec, c'est à cause de vous autres, là. Vous ne suivez pas les règles sanitaires. » Mais ce que je capte vibratoirement, que les gens les suivent ou les suivent pas, les règles sanitaires, en réalité, au-delà de tout ça, il y a une réalité vibratoire et les gens sont marqués pour mourir à certains moments. Et si le destin d'une personne, c'est pas mourir du coronavirus, c'est peut-être qu'elle va mourir d'un cancer, c'est peut-être qu'elle va mourir d'une crise cardiaque ou de comorbidité mise ensemble de plusieurs problèmes de santé. C'est tout simplement ça ce que je capte, ce que je perçois. Donc, pour moi, je suis pas naïf par rapport à ça. Et pour sortir de l'hypnose collective, il faut avoir une volonté ferme de ne pas se laisser culpabiliser par la collectivité. Donc, c'est un bon test pour voir l'autonomie psychique d'un individu. Ça, c'est clair. Puis la sortie, elle va être longue de l'hypnose collective de la façon que je le perçois, parce que c'est individuel. Autrement dit, quelqu'un, individuellement, sature de la religion, comme on a connu au Québec, de la religion catholique. La personne intérieurement dit « ça suffit, je trouve que la religion a trop d'emprise sur ma vie, ça a une emprise sur ma vie sexuelle, ça a une emprise par la suite sur les fêtes, le temps des fêtes, Noël, ensuite sur mon comportement au travail, sur mon comportement dimanche, à la messe tous les dimanches. » La personne peut dire « ça suffit ». Et la personne, pour sortir d'une dictature sanitaire associée à des croyances liées à une menace, il faut que la personne dise « ça suffit », puis elle se tienne debout. Puis elle ne se sent pas coupable. Ça, c'est intéressant. Pour voir à quel point la personne a intégré son individualité et sa conscience, il faut qu'elle soit capable de se tenir debout sans se sentir coupable. Si on cherche à culpabiliser, de tasser la pensée et de la contester avec puissance de volonté. Puis, je vais être honnête avec vous, je vais être transparent. On cherche continuellement à me récupérer dans le système. On cherche à m'astraliser, on cherche à culpabiliser. Ça soit à travers les médias, comme beaucoup de personnes, mais aussi des discussions avec des personnes interposées. Écoutez, je suis pas en abstraction du contexte social présent. Par contre, j'ai la volonté de me tenir debout. Et si on essaie de me récupérer pour me culpabiliser par rapport à quoi que ce soit, ben, faut que je sois capable de m'y poser. Puis ça m'amène à développer de la volonté. Et de me soutenir tout seul à ma conscience, c'est un défi, ou presque seul, parce que c'est sûr qu'il y a quand même des personnes là, qui voient derrière le jeu là, de la crise qu'on cherche à nous vendre. C'est sûr que s'il y a des gens que ça intéresse, je vous propose d'écouter le documentaire Hold Up, ce documentaire en français. Il circule sur Internet. C'est sûr que par rapport au documentaire Hold Up, il y a des décrypteurs qui ont critiqué certains éléments factuels. Mais grosso modo, l'idée de base du documentaire, à quelques détails près, essentiellement, ça sert à jeter un regard critique sur l'utilisation qui est faite du coronavirus en relation avec un agenda mondialiste. Donc autrement dit, la crise du coronavirus peut être un moyen pour amener une population mondiale à accepter des mesures qui, autrement, elle n'accepterait jamais en fonction d'un agenda qui était déjà là au préalable. Donc, autrement dit, c'est juste un prétexte. Ça n'aurait pas été la crise du coronavirus, ça aurait pu être celle du H1N1 si ça aurait plus embarqué. Lorsque ça a eu cours en 2009, les gens n'ont pas tellement embarqué, mais s'il y aurait plus embarqué, peut-être qu'on serait dans la même situation qu'aujourd'hui, où une bonne partie de la population est sous hypnose par rapport à la menace de la crise. Si ça n'aurait pas été la menace du coronavirus, on aurait pu utiliser la menace terroriste mondialisée, on aurait pu utiliser... Il y aurait eu d'autres menaces qui auraient pu être utilisées comme prétexte pour amener progressivement les bases d'un gouvernement mondial puis d'une grande réinitialisation économique. Donc, c'est sûr que présentement, les élites se cachent pas. Je veux dire, il y a même Justin Trudeau qui parle du Great Reset, la grande réinitialisation économique. C'est quoi? Ben, c'est un projet qui vise à modifier l'économie mondiale pour amener des changements significatifs en relation avec des influences mondialistes. Donc, vous avez présentement plein de vidéos là, par rapport à ça. Et par rapport à la grande réinitialisation, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, ça peut amener, par exemple, parce qu'il y a une monnaie unique qui émerge à la surface de la Terre et amener des changements dans la gestion des États-nations ou le pouvoir d'ingérence de l'ONU, du Fonds mondial international puis de différentes instances internationales va être plus grand par rapport aux différents États que constitue la Terre. Autrement dit, ça va brimer la souveraineté des nations qui risque de brimer les souverainetés individuelles si les gens se laissent faire. Parce que c'est différents paliers. Autrement dit, si le gouvernement mondial, implicitement à travers l'ONU puis à travers différentes mesures, dont financières, a un pouvoir faire du chantage auprès de populations civiles, parce que là, les gouvernements s'endettent massivement avec la crise du coronavirus, puis on sort la carte de crédit, puis on met de l'argent, puis on dépense. Bien, à un moment donné, tôt ou tard, les gens auxquels les gouvernements doivent de l'argent ont un pouvoir de manipulation de ces derniers pour les amener à adopter des mesures économiques, potentiellement, qu'en temps normal, ils n'adopteraient pas parce que ça ne serait pas à leur avantage objectif. Donc, autrement dit, si les instances internationales prennent plus de place, ce qu'il faut vous comprendre, c'est que les États-nations en prennent moins. C'est un jeu de balancier. Et si le gouvernement prend plus de place sur votre psyché, c'est parce que vous, en tant qu'individualité, vous êtes moins souverain. C'est un jeu de balancier. Tout est interrelié. Autrement dit, si les États-nations sont dépossédés de leur pouvoir de par l'influence d'instances mondialistes, comme l'Organisme mondial de la santé, ensuite, les gouvernements dépossèdent le pouvoir les villes, puis les villes dépossèdent le pouvoir des individus pour se soumettre à un agenda mondialiste. Et la clé de tout ça pour conserver son intégrité psychique, c'est de se considérer comme étant un individu souverain sur le plan individuel. Autrement dit, ne pas donner le pouvoir aux êtres du gouvernement qui veulent mettre en place une dictature mondiale de plus en plus affirmée, de nous dicter notre état d'être intérieur, c'est-à-dire de vibrer à la peur. Parce qu'un individu qui est soumis à la peur, tu peux y faire n'importe quoi. D'ailleurs, il en est question dans le documentaire Hold Up, puis je suis tout à fait en accord avec ça. En effet, quelqu'un qui est soumis à la peur, tu peux l'amener à adopter des comportements qui, en temps normal, n'adopterait jamais. Et si tu gardes consciemment une population dans la peur pendant plusieurs mois, elle peut être amenée à adopter des comportements qui, en temps normal, elle ne ferait pas. Donc, c'est ça la dérive par rapport à ça. D'où la pertinence de voir clair par rapport au jeu. Et c'est sûr que moi, en tant qu'individu, si je cherche à sauver la société puis d'éveiller les gens au fait que le coronavirus est exagéré, on peut utiliser des pleins lanceurs d'alerte qui l'ont fait avec des arguments rationnels, logiques, par rapport à des questions, par exemple, du test PCR où le nombre de cycles est trop élevé par rapport à ce qui est utilisé, par exemple, au Québec et ça crée plein de faux cas positifs. Les arguments logiques, rationnels sont amenés. Et bon, les gens, au moment où je parle, il n'y a pas vraiment de contestation. Les gens sont toujours soumis à cet agenda-là. Ensuite, il y a des arguments vibratoires qui peuvent être... des arguments, c'est-à-dire des éléments vibratoires se rapportant à la situation qui peuvent être amenés. Mais les seuls individus qui sont en mesure de les apprécier avec justesse, c'est ceux qui ont développé une conscience vibratoire, qu'elle soit embryonnaire ou très développée. Mais sans cette sensibilité psychique-là, oublie ça. La personne ne peut pas entrer en résonance avec la nature d'un propos qui est prononcé. Et c'est tout à fait normal. Donc, il y a différents éléments qui peuvent être amenés. Puis les gens veulent de la dictature, puis dans les sondages de satisfaction de la clientèle, c'est-à-dire de l'électorat, si on pense à ceux du Québec, les gens sont satisfaits de la gestion de la crise du gouvernement. Mais à ce moment-là, la situation leur pose pas concrètement problème. Fait que la situation va continuer. Puis c'est sûr que à travers ça, ben c'est l'hypnose qui peut gagner en force. Mais peut-être un jour, il y aura un point de rupture. On verra bien. Moi, personnellement, je suis en rupture avec la société psychiquement, dans le sens que ce qui est fait avec le Québec présentement, même chose par rapport à d'autres pays, probablement que je vous dirais la même chose en passant si j'étais en France, en Belgique, c'est que ça ne reflète pas ma réalité. Autrement dit, avant la crise du coronavirus, par rapport à l'ensemble des lois présentées au Québec, généralement, je suis en accord. Puis si on me pose la question, toi, es-tu québécois? J'avais une certaine fierté à dire ça. Puis aujourd'hui, ce que je vais dire aux gens, si on me pose la question, est-ce que tu es en accord que, par exemple, les dirigeants du Québec, est-ce que tu t'identifies au Québec en tant que société? La réponse, c'est non. Non. Je vis sur le plan biologique au Québec, ça, je le nie pas en tant que corps. Mais si vous me posez la question, est-ce que j'adhère à l'agrégore, à la psyché collective, à l'hypnose collective? Pas du tout. Est-ce que je me sens menacé par le coronavirus? La réponse, c'est non. Puis il faut que je maintienne mon pied à terre par rapport à ça. Ben ça, il y a des gens qui vont argumenter, puis ils vont dire « Ah, ben là, il y a eu telle complication, il y a eu ci, il y a eu ça. » Il y a des gens qui peuvent chercher à argumenter. Là, moi, ça ne m'intéresse plus d'argumenter par rapport à ça. Parce que j'ai fait le tour de la question plusieurs fois, puis de passer trop d'énergie là-dedans, ça me détourne de moi-même. Donc, moi, je veux passer du temps à m'amuser, jouir de la vie, écouter des comédies sur Internet, écouter de la musique, discuter avec des gens agréables pour un plaisir de vie, tout simplement. Donc, c'est ça que je voulais mentionner aujourd'hui et c'est sûr que la sortie se fait individuellement. Je vais le finir, mon point que je voulais amener de ça par rapport à l'hypnose collective. C'est comme l'évolution, la sortie de la quarantaine planétaire où les gens sont soumis à l'agenda astral se fait individuellement, c'est-à-dire chaque personne, une par une, en intégrant une conscience nouvelle, va se libérer du joug de la programmation sociale et de la conscience ancienne. Et ça se fait individuellement, c'est un par un, et c'est pour ça que c'est long, et c'est pour ça, entre autres, que Bernard de Montréal disait que ça allait prendre 2500 ans pour que l'ensemble du collectif y passe. C'est un par un, puis c'est la même chose pour la sortie de l'hypnose collective. À un moment donné, il y en a un qui délaisse la religion, à un moment donné, il y en a un autre, il y en a un qui va délaisser la religion sanitaire, les croyances associées aux virus qui sont exagérés. Il y en a un autre qui va s'en sortir, et ainsi de suite. C'est un par un. Puis on peut chercher à sortir des gens malgré eux de religion ou d'une doctrine sans qu'ils le désirent, mais habituellement, ça ne fonctionne pas nécessairement. On a le cas, par exemple, de la Russie. Donc, lors de la période de l'URSS qui a eu cours, eh bien, le régime étant athée, eh bien, il y a eu des gens qui ont dû arrêter de pratiquer la religion sur la place publique. Donc, il y a eu des églises qui n'étaient plus en opération, naturellement. Et la minute où il y a eu la chute du mur de Berlin et les gens ont pu retrouver en Russie la liberté de culte, la liberté de croyance religieuse, ben la pratique, entre autres, de la religion orthodoxe est revenue. Pourquoi? Parce que à la base, ces gens-là croyaient à la religion, ils ont adopté un comportement de conformité d'apparence pour certains d'entre eux, de la population russe. Puis oui, il y en a peut-être qui ont été convaincus d'adhérer à l'athéisme, puis ont délaissé réellement la religion. Puis il y en a d'autres, c'était plus de la conformité d'apparence. Puis une fois que le régime communiste et athée a tombé en Russie, ben, tranquillement, les gens se sont mis à pratiquer la religion parce qu'à la base, ils croyaient à ça. Fait que pour des raisons de paix sociale, ils ont fait de la conformité d'apparence. Puis, par la suite, ben là, ils peuvent s'afficher publiquement, là, étant dans la foi orthodoxe, puis aller à l'église. Donc, ils peuvent plus faire, ils n'ont pas besoin de faire ça clandestinement. Fait que c'est revenu. Fait que c'est un changement individuel qui doit se faire. Puis si un collectif cherche à faire évoluer un groupe de personnes en disant « Mais là, vous n'allez plus à la religion », puis le collectif croit bien faire pour libérer les gens de certaines croyances, mais que ça ne vient pas des individus concernés, c'est comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne fonctionnera pas, ça ne donnera pas de résultats, puis ça ne donnera pas de changement en profondeur. Puis la minute que le collectif n'est plus là pour donner cet encadrement-là, ben, les gens tombent dans leurs croyances religieuses qu'il y avait. Donc, c'est tout simplement ça. Et la libération de l'hypnose collective doit venir de l'individu. Il doit constater, ah, regarde, j'ai été hypnotisé. J'ai été amené, par exemple, avec transparence, peu importe le cheminement personnel, ça fasse la personne, ça fasse 5 ans ou 20 ans qui fait un processus de conscientisation. Si la personne a s'est réveillée pour se faire sentir coupable à 3 heures du matin, comme ça a été le cas pendant la nuit passée dans mon cas, regardez, je vous parle en transparence. J'ai été réveillé parce que j'ai eu une pensée comme de quoi que j'étais pas correct d'avoir remis une information à une personne. Donc, ça, c'est en lien avec mon passé, plus de perfectionniste où j'ai été conditionné par rapport à ça. C'était pas par rapport à la crise sanitaire, mais j'ai été pris par un conditionnement qui m'a influencé. Fait qu'il faut que je sois capable de le regarder en pleine face. Faut que je sois capable de le reconnaître. Je me suis fait taper par une pensée qui visait me culpabiliser. Puis, je sois capable de la contester. Puis, passer à autre chose. Pour qu'on m'y prenne, puis rehausser ma vibration. Donc, je peux dire, j'ai un moment où, à quelque part, on m'a amené dans cette direction-là. À un moment donné, je réalise que, je me sens pas bon, pas bien, avec cette idée-là. Je monte en colère, puis je m'oppose à ça pour me redresser psychiquement. Puis, ça va arriver une fois de temps en temps qu'on peut tomber, on est des êtres humains. Donc, à certains moments, je peux me faire astraliser, puis c'est tout à fait normal. Il faut être transparent par rapport à ça. Il faut être capable de s'accueillir. Il faut avoir l'intelligence aussi de se réajuster, mais le point, il faut avoir une certaine douceur par rapport à soi-même. À un moment donné, je me fais prendre par l'hypnose collective. Ben, écoutez, je me fais prendre par rapport à ça. Ensuite, ça peut s'allumer intérieurement en disant non, c'est pas ça. Là, je monte en vibration, puis je me réajuste. Je passe à autre chose. Donc, c'est le point que je veux amener, parce que l'hypnose collective est présentement forte. Puis un peu comme une dictature normale, guillemets, normale, une dictature, il y en a eu plusieurs, tu sais, il y a eu l'Allemagne nazie, il y a eu le communisme, puis la particularité des dictatures, c'est que ça s'incruse dans toutes les sphères de vie de l'individu. Et avec la dictature sanitaire qu'on nous impose présentement dans des régimes démocratiques au nom de la menace du coronavirus, c'est toutes les sphères de vie qui sont visées. Il y a la vie sexuelle, de ne pas, par exemple, porter le masque si on a une relation sexuelle avec quelqu'un qui appartient pas à notre domicile. Ensuite, il y a la vie religieuse. On va nous dire, ah ben là, pendant le temps des fêtes, là, il faut pas que vous ayez plus que 2 parties de Noël sur 4 jours. Puis là, on vous accorde ça, mais si vous êtes gentil, là, s'il n'y a pas plus de 1000 cas par jour, ça c'est les règles au Québec. Donc, il y a la vie religieuse. Ensuite, il y a la vie au travail. Il y a des gens au travail qui sont obligés de porter le masque parce qu'ils travaillent dans un lieu intérieur. La mort, le rapport à la mort. Si on pense aux funérailles, le rite funéraire, dans le fond, le nombre de personnes qui est limité pour assister à des funérailles. La vie sportive, les gens ne peuvent plus aller s'entraîner en salle d'entraînement. Une dictature, là, la particularité puis le propre de la dictature, là, c'est fondamentalement que ça dicte les comportements individuels dans toutes les sphères de la vie. Si la crise sanitaire, ça dicte vos comportements dans toutes les sphères de votre vie, posez-vous des questions. Je vous suggère de vous poser des questions, tout simplement. Mais sinon, la particularité des effets de la crise, c'est que présentement, il y a un travail pour rendre complexe, par exemple, de fêter Noël, le temps des fêtes, avec des mesures, des contraintes qui font que peut-être des gens vont dire « Ben là, on se rassemblera pas pendant le temps des fêtes, c'est trop compliqué. » L'année passée, la fête de Pâques, les gens n'avaient pas le droit de se rassembler. Il y a d'autres fêtes aussi pendant l'année courante que les gens peuvent pas se rassembler. Fait que c'est sûr que ce qui est intéressant de regarder, c'est l'impact de la crise. Donc, autrement dit, on amène les gens à délaisser, par exemple, la religion. Les églises ont été formées pendant une certaine période de temps. Pour que les gens, s'ils vont pas à la religion, s'ils font pas les fêtes religieuses, ben tranquillement, ils se désaffilient de ça. Donc, puis, pendant ce temps-là, on invite les gens à s'affilier de plus en plus à leur ordinateur, à leur téléphone intelligent, à Internet, en amenant les gens à faire du télétravail, faire des activités de plus en plus avec le logiciel Zoom ou d'autres. Donc, des téléconférences, des téléformations. Tout le temps mettre l'interface numérique entre l'individu et un autre individu. Pourquoi? Ben, on numérise les relations humaines. Pourquoi? Ben, à travers ça, c'est qu'à chaque fois que vous avez une interaction à partir d'un système numérique, ça laisse des traces. Si vous avez une conversation téléphonique à partir d'un appareil numérique, elle peut être enregistrée. Si vous avez un échange de texto, naturellement, les messages textes peuvent être sauvegardés. Donc, si les moyens électroniques augmentent avec la capacité de sauvegarder de plus en plus de données avec le big data, donc les disques durs qui augmentent de plus en plus de volume, simultanément, il y a le développement de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage en profondeur, le deep learning qui permet aux machines de reconnaître des mots, des images. Vous combinez tout ça, ben on peut créer des algorithmes de contrôle de la population. Et si à chaque fois qu'un être humain a une interaction avec un autre, il y a toujours une machine entre les deux, on contrôle la nature de l'interaction. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Puis on désolarise les gens d'activités sociales, comme, je regarde concrètement ma mère qui allait s'entraîner là, à l'extérieur, on lui dit de s'entraîner devant son écran d'ordinateur. Une autre personne, elle faisait un cours d'anglais en classe, et là, on va faire le cours d'anglais devant l'ordinateur. Donc, les contacts sociaux sont diminués au profit d'un lien plus grand avec le virtuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit directement dans un agenda mondialiste. Autrement dit, implicitement, ce qu'il est en train de faire, c'est une mondialisation, une globalisation où tous les individus sur Terre vont avoir entre eux puis d'autres individus une interface machine. Puis l'interface machine, ça permet au gouvernement, aux multinationales qui la contrôlent, que ce soit les GAFA, Google, Apple, Facebook, d'avoir accès à des données, des informations par rapport à des individus. Donc, avoir accès à des formes et du mémoriel. Donc, c'est sûr que ce qui s'installe progressivement à grande vitesse, c'est l'informatisation de l'humanité au nom de la menace du coronavirus, naturellement, qui sert de prétexte avec le télétravail de plus en plus grand, les achats en ligne. Donc, les commerces de détail aussi, les petites et moyennes entreprises sont en train de former. Puis, ce qu'on regarde derrière ça, ce qu'on peut voir, c'est la numérisation des rapports humains. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il peut y avoir une élite mondiale qui peut avoir tout intérêt à ce que l'individu soit au Canada, soit en Belgique, un peu partout, que chaque individu vive seul, isolé, dans un rapport à la machine. Parce qu'à travers la machine, puis les informations présentées sur le web, on peut, puis les médias sociaux ou les médias traditionnels, on peut conditionner des masses. Puis c'est sûr que s'il y a un agenda d'une élite, par exemple, de défaire les composantes culturelles, donc les fêtes locales, pour uniformiser les gens dans un rapport à un gouvernement lié à l'ONU ou un gouvernement mondial, ben la crise peut être prétexte par rapport à ça, parce que si la crise perdure dans le temps, puis les gens aident de pratiquer la religion catholique ici au Québec, dans une autre partie du globe, ben, les rites associés, par exemple, à la religion protestante ne sont plus pratiqués, ainsi de suite, ben au lieu qu'il y ait des particularités qui font en sorte que dans un coin du globe, on pratique une certaine religion, l'autre non, ben à travers la crise, on uniformise tout. C'est-à-dire que les gens ne pratiquent plus leur religion, ils n'ont plus le droit de se réunir en groupe. Puis, ce qu'on dit aux gens, ben c'est passer votre temps à aller écouter des bulletins de nouvelles et aller sur des médias sociaux qui relaient l'information mondialiste. Donc, à ce moment-là, on va conditionner les gens à penser de la même façon qu'une pensée unique, les mêmes paramètres. Et à ce moment-là, les gens sont tous reliés entre eux à travers l'ordinateur. Et l'ordinateur devient une instance qui peut servir aux gens qui interceptent les données entre les individus qui interagissent entre eux via informatique pour faire du contrôle, puis de l'espionnage, puis de surveillance des citoyens. Puis la technologie actuelle le permet. Les dernières percées technologiques permettent un contrôle de plus en plus grand de la population mondiale. Donc, à un moment donné, les gens, il faut qu'ils s'éveillent. Et c'est sûr que progressivement, la crise implicitement participe à mettre ça en place. Fait que dans un sens, ça peut participer à éliminer les guerres de religion. Donc, si les gens ne pratiquent plus les cultes, puis c'est plus nourri, c'est plutôt un culte de la religion sanitaire qui remplace ça. Ben, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y aura plus d'attentats terroristes, d'intégristes et de fanatiques religieux tantôt. À moins que la religion soit pratiquée sur Internet. Là. Regardez, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Là. Mais c'est une érosion de la religion traditionnelle pour des gains dans la religion sanitaire et l'adhésion à des valeurs mondialistes et des objectifs globaux. Ben, les gens, au lieu de donner de l'importance à certains éléments, ils en donnent davantage à d'autres. Et c'est sûr, le but des médias et de l'élite politique, c'est de concentrer l'attention à des gens pour qu'ils donnent de l'importance et de la valeur à certaines choses plutôt que d'autres. Parce que ça sert à leur agenda. Mais ce qu'il faut que l'individu réalise, c'est que l'agenda collectif ne servira jamais son besoin de liberté, d'autonomie psychique. Non, il faut que la personne qui veut être libre s'individualise. Puis si elle attend après le gouvernement pour être libre ou être bien dans sa peau, risque d'attendre longtemps. Même chose pour les élites mondialistes. Il faut que la personne se souvienne elle-même dans sa psyché, par elle-même, dans un geste d'autonomie. C'est-à-dire qu'elle se nomme souveraine par elle-même, tout simplement. Puis elle se sorte de l'hypnose collective. Parce que tant que vous êtes sous hypnose, vous n'êtes pas libre. Et c'est sûr que vous pouvez vous libérer d'une forme d'hypnose par une personne, mais une autre personne interposée peut chercher à vous récupérer, puis ça peut arriver, puis moi-même, ça m'arrive, puis c'est humain. Faut pas se sentir coupable si on fait des rechutes dans l'hypnose collective pendant la période présente. C'est normal, ça fait partie de notre humanité, mais ça nous donne une mesure de c'est quoi nos failles en tant qu'être et c'est quoi les points qu'on a à s'ajuster et à se réajuster. Donc, faut utiliser ça d'une manière créative, de s'observer avec intelligence, conscience, lucidité, pour monter en intelligence, monter en vibration et en discernement. Voilà ce qui termine l'exposé présent. Merci de votre écoute et à bientôt.